sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Bienvenue à la sortie culturelle des Bouquins d'abord. Vous êtes avec Barbe Reinck et Julie Collin. Bonjour Julie. Bonjour. Aujourd'hui, gros programme, on reçoit le PDG du Salon du Livre, Philippe Sauvageau, qui est déjà avec nous. Bonjour, Monsieur Sauvageau. Après, Jean-Marc Turine, un auteur belge. Bonjour, Monsieur Turine, vous êtes déjà là aussi. Plus tard dans l'émission, on va recevoir Thomas Haut-Saint-Pierre, Pascal Roux, traducteur, Marie-Laurence Trépanier, Lynn Boilly et Mathias Carpula. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on voit, des gens qu'on voit aujourd'hui. Fait qu'on perd pas plus de temps. Hein? On va y aller en musique et on revient avec M. Sauvageau. Vous êtes toujours à l'écoute de la sortie culturelle des Bouquins d'abord. Julie Collin et moi, Barbe Reinck, nous sommes avec M. Philippe Sauvageau. Bonjour, M. Sauvageau. Bonjour. Vous êtes le PDG du salon qui fête ses 60 ans cette année depuis 98, 99? Ben 98, l'année catastrophique où le milieu avait boudé le salon et vous, vous avez redressé. Oui, c'est pas depuis 60 ans. C'est-à-dire que le salon existe depuis 1959. Oui. Donc, il a 60 ans d'existence maintenant. Il y a eu différentes étapes dans le salon, plusieurs personnes qui ont développé le salon du livre. La dernière équipe, c'était l'équipe de M. Lebrun. Avant, c'était Lorenzo Michaud avec Lucius La Liberté. Et la dernière mouture, si on veut, la dernière, nous avons donc le salon, effectivement, en 1998 était tombé. Les éditeurs n'ont pas... Ils n'ont pas suivi. Vous vouliez le mettre à l'automne, c'est ça? Ça fait que c'était trop proche de Montréal, je suppose? Exactement. M. Lebrun voulait quand même annexer, faire le salon avec la foire sociale de l'Université Laval, qui avait lieu à l'automne. Okay. Donc, il disait, les deux ensemble, ça devrait être vraiment intéressant. Le Salon du Livre plus la foire, c'est vraiment intéressant. Alors, il a fait une année, mais les éditeurs n'aimaient pas ça, parce que les éditeurs ont deux temps forts dans l'année. Ils ont l'automne et le printemps. L'automne avec le Salon du Livre de Montréal et le printemps avec le Salon du Livre de Québec. Donc, ils ont dit, on n'y va pas. Effectivement, ils ont décidé de boycotter le salon, ils ne sont pas venus. Donc, il n'y a pas eu de salon, mais en 1998. La nouvelle équipe a commencé en 98 aussi. Oui. Et en 98, nous avons fait une première activité qui s'appelle l'automne des libraires. C'était dans notre, dans nos projets de faire ce que nous appelons un salon hors les murs. Donc, en 98, il y a quand même eu un salon qui s'appelle le salon hors les murs. Et les activités se déroulaient dans les librairies de la région de Québec au lieu de se dérouler à l'intérieur du centre des congrès. Okay. D'où le nom Salon hors les murs. Et c'était un programme qui était accessible au gouvernement du Québec, à la SADEC, pour l'ensemble des salons du livre, pas seulement pour Québec. Alors, ça s'appelait Salon hors les murs, et nous avons appelé ce Salon hors les murs l'automne des libraires, parce que nous avons travaillé avec les libraires. Oui. En 98. Et en 99, il y a eu le premier salon tel qu'on connaît comme ça ici. Oui. Mais déjà, l'équipe en 98 avait produit une activité. Donc, en 98, il y a quand même eu une activité littéraire sous la forme d'un salon qu'on appelle le salon hors les murs. Et depuis cette époque-là, le salon perdure. Là, c'est le 21e... Il va bien. quand je regarde ça, on vient de commencer et c'est déjà plein. Oui, ça va bien. Il faut toujours s'accroiser de voix. Vous pouvez respirer maintenant, ça va bien. En tout cas, pour cette année, vous pouvez respirer. On ne sait jamais d'une année à l'autre. Mais effectivement, nous avons été chanceux. D'année en année, il y a une augmentation de la clientèle. Il y a de plus en plus de gens qui viennent au salon. C'est un avantage et c'est un désavantage. C'est un avantage parce que plus de gens viennent au salon, mais c'est un désavantage pour les gens qui viennent au salon quelque part, dans le sens où le samedi et le dimanche, c'est difficile de circuler dans le salon pour aller voir les auteurs. Oui. Si on veut s'approcher d'un auteur, c'est un peu complexe. Alors, idéalement, si la population s'équilibrait, c'est-à-dire si on avait autant de personnes le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il n'y aurait pas de problème. Mais de toute façon, on ne peut pas bouder cette situation-là parce que... Je trouve que le plus beau moment pour venir ici, c'est vraiment le mercredi et le jeudi soir. Je suis bien d'accord. Vous après 3 heures, le mercredi et le jeudi, c'est le bonheur total. C'est idéal. Et le vendredi soir. Oui, aussi. Et le vendredi soir, il y a déjà plus d'auteurs qui arrivent de l'extérieur. Oui. Parce qu'il y a un peu ça aussi. Hein? Évidemment, si on veut rencontrer des grands auteurs, ils sont plus là le samedi et dimanche. Oui. C'est difficile de les faire venir toute la semaine. Ouais. Souvent, les auteurs ont des occupations ailleurs, d'ailleurs. Alors, ce qui fait qu'ils viennent effectivement le vendredi, samedi, dimanche. Mais le salon, donc, a quand même une bonne cote d'écoute auprès de la population et ça se passe très bien. Avez-vous l'impression que l'engouement des dernières années pour la littérature québécoise, que ça influence, qu'il y a comme un jeu entre les deux, que l'un tire l'autre, que les salons au Québec sont si forts, parce que vous êtes quand même conscient que, comme on connaît les salons ici au Québec, chaque région a son propre salon, c'est quand même exceptionnel. Moi, je viens d'un pays, en Allemagne, on a 2 salons. Et à l'époque où moi j'étais petite, un était à l'est et l'autre était à l'ouest. Et c'était pas pour le public, ça. Disons que au Québec, c'est particulier. Si vous êtes en Ontario ou dans les autres provinces, on n'a pas cette réalité des salons. C'est qu'au Québec, nous sommes donc une population relativement restreinte par rapport à l'ensemble du Canada. Et l'habitude de la lecture doit se développer. Et disons que les institutions littéraires ne se sont pas toujours développées comme dans les autres pays. Je pense notamment aux bibliothèques. Les bibliothèques commencent à prendre du mieux, si on veut. Oui. Mais disons que pendant des années, les bibliothèques étaient plus ou moins accessibles à la population, mais donnaient plus ou moins de services adéquats. Oui. Alors donc, le gouvernement a investi et continue à investir pour améliorer la situation. Mais donc, c'est un ensemble. Et parce que la bibliothèque, c'est la démocratisation du oui. livre aussi, là. Le salon, ça se passe une fois pendant 5 jours, mais les bibliothèques sont là toute l'année. Donc, l'habitude de la lecture s'est développée avec les bibliothèques aussi, mais lentement parce que les bibliothèques n'ont pas toujours eu les finances pour pouvoir donner des services adéquats. Et si on compare les bibliothèques du Québec avec celles de l'Ontario ou des autres provinces, le Québec reste encore... En dessous? En bas de la ligne, oui. Ah oui? Parce que je trouve quand même... En tout cas, ici à Québec, il y a eu du très beau travail, des rénovations de bibliothèques. Et je sens un engouement des gens qui me parlent de la Maison de la littérature, c'est sûr, c'est un joyau. Mais aussi ici, Sainte-Mathieu's, la nouvelle bibliothèque Claire-Martin. Route de l'Église, Monique Corriveau, c'est quand même... Ça bouge, non? Ça bouge, mais... Pas assez. C'est pas assez. C'est inférieur par rapport à d'autres provinces. Là. Alors, c'est pour ça que chez les anglophones, comme les bibliothèques, les structures publiques ont été développées très, très tôt et avec beaucoup d'argent, et il y avait même des lois, ce qu'on n'a pas au Québec, qui obligeaient les municipalités anglophones à avoir des bibliothèques depuis de nombreuses années. Alors, au Québec, on a suggéré... On est loin de là. Moi, j'ai présidé une commission des bibliothèques publiques et on avait suggéré au ministère de passer une loi comme celle-là, mais ils ne l'ont pas passée. Alors, ce qui fait que ailleurs, c'est ancré dans les mœurs, les bibliothèques, donc les gens sont beaucoup plus habitués à lire. De ce fait-là, les salons du livre sont beaucoup moins importants dans ces pays-là, parce que les gens lisent de toute façon, oui. Et les bibliothèques sont bien articulées et bien développées. Au Québec, les salons du livre, c'est un plus par rapport à ce qui se fait dans les bibliothèques et dans les autres institutions livresques. Et les salons du livre, c'est pour ça que le gouvernement a intégré dans sa politique de la lecture et du livre les structures des salons du livre, et c'est pour ça qu'il y en a dans chaque région, pour amener la population à lire davantage et pour amener les... Et il faut dire qu'un salon du livre, pendant sa présence, a un impact important au plan promotionnel. Oui. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident d'avoir des articles dans les journaux sur des critiques littéraires, des choses comme ça. Mais pendant le salon, il y a énormément d'articles. Nous, notre revue de presse fait 350 pages. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés sur les auteurs. Et souvent, beaucoup sur les auteurs de Québec aussi. Alors, ce qui fait que ça aide beaucoup au niveau de la promotion du livre et de la lecture et de la promotion des auteurs. Alors, les salons ont un impact à ce niveau-là. Intéressant. Oui, mais ils ont aussi un impact auprès des jeunes parce qu'il y a énormément de jeunes qui rentrent au salon. Et je me dis, ça doit être quand même majeur parce qu'il y a des jeunes là-dedans qui viennent de milieux qui n'ont pas nécessairement des livres à la maison. Tout à fait. C'est l'une de mes priorités, parce que moi j'ai travaillé beaucoup dans les bibliothèques publiques, comme vous le savez probablement. Oui, absolument. Alors, l'une de mes priorités, c'était les enfants, les jeunes. Mm-hmm. Alors on s'est donné au Salon du Livre une priorité sur la jeunesse. C'était une clientèle cible importante. Mm-hmm. Donc on accueille, l'an dernier nous avons accueilli 28 000 jeunes, c'est énorme, dans toute la région de Québec. Alors, et paradoxalement, les éditeurs sont très contents. Ils nous ont demandé d'ouvrir une heure plus tôt, il y a quelques années. Pourquoi? Parce que les jeunes arrivent avec de l'argent et achètent des livres. Et des livres qui leur plaît. C'est idéal. Oui. Quand un enfant choisit le livre qui lui plaît, vous êtes à peu près certain qu'il va le lire. Si les parents achètent un livre qu'ils donnent à l'enfant, c'est pas évident qu'il va le lire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce qui fait que je trouve ça génial que les enfants arrivent avec beaucoup d'argent. Mais votre commentaire est pertinent, c'est dans le sens où le Salon du livre de Québec s'est vraiment donné comme priorité une clientèle cible, c'est les enfants. Avez-vous des retours? Oui, Julie? Oui, bien, en fait, j'ai une question. Je me demandais, qu'est-ce qui vous motive d'être encore là? Puis ça fait quand même quasiment 20 ans, vous êtes PDG. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous visez éventuellement? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous impliquer encore? Alors, ce que j'ai, plusieurs de mes collègues sont déjà à leur retraite. Je fais affaire avec différentes personnes, différents organismes. Puis là, je téléphone à une monsieur. Ah, il est à sa retraite. Mais moi, je suis encore à ma retraite. C'est que dans ma vie, j'ai toujours consacré ma vie au livre. Depuis l'âge de 22 ans. J'en ai 78. Alors, ce qui fait que j'ai toujours travaillé dans le domaine du livre, sans exception. J'ai créé beaucoup, beaucoup de bibliothèques. En Afrique, j'en ai créé 200. Et vous avez visité aussi, un peu partout dans le monde, des bibliothèques. Oui. Et j'ai été sollicité beaucoup aussi pour travailler sur des projets de bibliothèques à l'extérieur. Je suis reconnu comme un spécialiste dans certains domaines. Alors, pour moi, disons que le Salon du livre, c'est ce qu'il y a pour moi de plus intéressant par rapport à tout ce que je fais alentour. Parce que je travaille à un autre endroit aussi. Je travaille dans un organisme qui s'appelle Service documentaire multimédia Montréal. J'ai une quarantaine d'employés. Alors, ce qui fait que là, c'est plus sévère. C'est-à-dire que c'est plus administratif. Ici, au Salon du livre, j'ai des contacts avec les auteurs, des contacts avec les éditeurs, et évidemment, des contacts avec le livre, et c'est ce que j'adore depuis que je suis jeune. Alors, ça correspond, pour moi, c'est quasiment pas un travail, c'est un plaisir de faire... C'est comme pour nous, c'est un terrain de jeu. vous avez tout à fait raison. Alors, à ce moment-là, moi, au lieu d'aller jouer au golf, je joue pas au golf. Alors, moi, ça me plaît ici, ça me plaît de travailler dans un salon du livre comme ça et de mettre ça en place d'année en année avec des collègues. J'ai une bonne équipe en plus. Hein, ben oui. Beaucoup. Alors, ce qui fait que pour moi, le livre, ça a toujours été une motivation dans tout ce que j'ai fait, dans tout le travail que j'ai fait. Monsieur Sauvageau, c'est déjà tout le temps qu'on avait, ça a filé. Hein? Un grand merci d'être passé nous voir. Je vous souhaite un très beau salon, c'est très bien parti. C'est très beau aussi. On est déjà rentré, on a fait notre tour. Fait que un beau 5 jours de terrain de jeu à vous. Et on se revoit. Et je vous remercie infiniment de votre collaboration. Merci. Au revoir. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle des bouquins d'abord au Salon du Livre. Nous sommes ici en direct devant la porte intérieure du salon. Je suis en compagnie de Jean-Marc Turine. Bonjour, Monsieur Turine. Bienvenue à Québec, oui, votre premier séjour. Je vous ai invité pour le très beau livre « La Théo des fleuves ». « La Théo des fleuves », c'est quoi? Parce que là, c'est un roman, mais ça part d'une émission radio. Non, c'est un roman, c'est un roman. Et il se fait que je me suis intéressé à la question des tziganes, parce que le livre traite de la question des tziganes et raconte la vie d'une femme tzigane qui revient dans son milieu. Mais c'est un roman. C'est un roman basé sur, effectivement, quand j'ai travaillé à France Culture, j'ai fait une dizaine, douzaine d'heures en France. Avec les tziganes français, mais aussi j'étais en Roumanie, j'étais en Hongrie. Et ça m'a permis de rencontrer des populations tout à fait exclues de la société, que ce soit en France ou bien dans ces pays de la Roumanie ou de la Hongrie. J'aurais pu aller en Bulgarie, parce que la situation des Roms est tout aussi déplorable. Partout en Europe. Oui. Mais alors, j'ai commencé à m'intéresser à cela, parce qu'en 1987, j'ai réalisé un film avec des rescapés des camps. Deux Belges, un rescapé juif et une rescapée qui avait été arrêtée comme résistante. Et l'un et l'autre m'ont dit combien ils avaient été frappés par la présence de tziganes dans les camps. Et il y a quelque chose de très singulier dans cette présence des tziganes dans les camps, c'est qu'ils ne portaient pas les uniformes rayés. Ils gardaient leurs habits. Et à Birkenau, par exemple, dans le grand camp de Birkenau, ils étaient enfermés, ils ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas sortir de leur campement. Ils vivaient en famille, il y a eu des enfants donc, qui sont nés, et il y a eu des cas d'anthropophagie parce qu'ils crevaient de faim. Et donc, cette tragédie tzigane qui perdure depuis très longtemps, c'est terminé d'une certaine façon par le génocide créé par les nazis, fomenté par les nazis. Il y a quand même 1 million de tziganes qui ont été assassinés pendant la guerre. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Il y a 6 millions de juifs, mais en proportion, c'est relativement la même chose. C'est 62-63% d'assassinats. Donc, ce génocide n'est pas reconnu. Il est reconnu par l'Allemagne, par la Roumanie, par la Suisse et par les États-Unis. Et tous les autres pays d'Europe ne l'ont toujours pas reconnu. Ce qui fait que l'antitziganisme qui est réel, à tous les niveaux de l'État, jusqu'au sommet de l'État, parce que le président Emmanuel Macron a encore dit il y a peu de temps que les Roms roumains n'arriveraient certainement pas à s'adapter en France, donc ils pouvaient retourner chez eux. Mais c'est où chez eux? Mais voilà, ils sont un peu chez eux, parce qu'on pense toujours que les Tziganes sont encore des nomades, mais c'est tout à fait faux. Ouais. Ils sont dans un nomadisme en Europe occidentale parce que c'est un nomadisme créé par une condition économique lamentable, épouvantable. Ouais. Et aussi bien en Hongrie qu'en Roumanie, ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu parler, regrettaient d'une certaine façon, c'était en 2002 et en 2003, regrettaient d'une certaine façon le communisme, parce que sous le communisme, ils avaient une petite maison, ils avaient du boulot, les enfants pouvaient aller à l'école facilement, ils avaient accès aux soins de santé. Et à la chute du mur de Berlin, les pogroms sont revenus, la haine anti-tzigane a refait surface avec une violence inouïe, provoquant des morts, etc. Et cela non plus, on n'en parle pas. Mm. Il y a 15 jours à Paris, il y a eu un fait absolument scandaleux et on en a à peine parlé. Il se fait que la rumeur dans un quartier au nord de Paris, il y avait une rumeur qui disait que les Roms étaient des voleurs d'enfants. Et donc il y a eu une ratonnade de la part des gens du quartier, ils sont venus, ils ont tout démoli. Et c'est constant. Mais ça, c'est une rumeur depuis le Moyen Âge, qu'on a dit ça autant des Juifs que des Tziganes. Oui, mais. Et c'est toujours aussi faux, hein? C'est toujours aussi faux, bien entendu. Il n'y a pas plus protecteur des enfants que les Tziganes. Ils ont un esprit de famille absolument magnifique. Et dans ce roman que j'ai écrit, La Théo des Fleuves, j'essaie de donner la parole justement à ces gens, ces exclus, ces citoyens de second ordre en Europe. Ils sont 12 à 15 millions en Europe. Et je me plais toujours à rappeler une phrase de Václav Havel lorsqu'il était président de la Tchécoslovaquie. Mmh. Et pour ceux qui ne le savent pas, enfin je crois que tout le monde le sait, mais que Václav Havel, c'est quand même un très grand homme de théâtre. Oui. Et écrivain. Et écrivain. Et il a eu une phrase absolument magnifique dans le discours de clôture qui terminait le sommet européen à Prague. Il a dit ceci. L'avenir démocratique de l'Europe dépendra du sort qui sera réservé aux Tziganes. Je pense qu'il avait tout à fait raison. Et la preuve, c'est que cet avenir démocratique de l'Europe concernant les Roms est un échec absolu. Il suffit de voir ce qui se passe en Italie aussi. Les campements de Rome en Italie, à côté de Milan ou de Rome ou de Florence, c'est absolument inouï. Inouï, les conditions de vie, on n'imagine pas. Mais ils sont 3, 4, 500 personnes avec un seul point d'eau, par exemple. Et ce que j'ai vu en Hongrie et en Roumanie, c'est pire. C'est bien pire parce qu'en Roumanie, par exemple, ils ne trouvaient aucun travail. Même comme éboueur, ils ne pouvaient pas travailler comme éboueur. Donc, que veut-on qu'ils fassent à ce moment-là? Ben, forcément qu'ils essayent de... Ils volent pour manger. Il faut bien manger, quand même, dans la vie. Ouais. Puisque personne ne veut les engager. Personne. Ouais. Mais, et en France, c'est toujours la question. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe. C'est et ça. Fait qu'on continue de d'alimenter une injustice flagrante et criminelle d'une certaine façon, parce que tous ces enfants qui ne sont pas scolarisés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Déjà que les parents ne trouvent pas de boulot, mais si les enfants ne peuvent pas aller à l'école ou si on leur interdit d'aller à l'école, c'est... Mais il y a quand même une belle réussite. De temps en temps, il y a une réussite. Il y a une jeune femme qui est de Rome, qui a vécu dans la rue pendant des années, mais elle a été à l'école. Aujourd'hui, elle est avocate et elle fait de la politique en France. Donc, ça, c'est quand même un émerveillement aussi. Mais c'est rarissime comme cas, évidemment. Oui. Mais par contre, à Bruxelles, je connais deux familles de Roms d'origine roumaine. Les jeunes parents qui ont 30, 32 ans aujourd'hui ont quitté l'école à 10 ans, 11 ans, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais aujourd'hui, ils travaillent à Bruxelles, ils ont un travail de... Ils sont traducteurs, même en français, français-romanie, français-roumain, et même néerlandais, parce qu'en Belgique, il y a les deux langues. Ouais. Donc, il y a quand même des réussites fabuleuses. Et ça, c'est un petit espoir. Mais sinon, sans cela, je me demande si... Enfin, j'ai toujours un point de vue comme ça de me dire que si le génocide des Roms était reconnu, peut-être qu'il serait un peu plus respecté. Oui. Parce que on parle d'antisémitisme, oui, mais on ne parle jamais d'antitziganisme. Il y a deux ans, le maire d'une petite ville dans le centre de la France a dit un moment, ça, parce qu'il y avait eu des problèmes dans une petite ville, dans un quartier de la ville, il y avait un problème entre les habitants et un petit groupe de Roms. Il a dit, mais Hitler n'en a pas tué assez. Ça se dit des Juifs aussi. Hein? Oui, oui. Avec la montée de droite en Europe, on entend quand même des choses assez horribles où on se demande où ces gens-là ont eu leur cours d'histoire. Oui, mais l'antitiganisme est combattu. L'antitiganisme, si on a des propos antisémites, on peut avoir un procès. Ouais. Quand on a un propos anti-tzigane, il ne se passe rien. Ouais. Aucune réaction. Une petite question, parce que vous mettez en avant une femme qui, elle, a appris à lire et à écrire, et en même temps, on apprend aussi sur l'injustice à l'intérieur, évidemment, de ces clans-là, parce que comme femme, mettons que ce n'est pas elle qui mène... sa destinée. Hein? Non, non, il y a un machisme très fort. Ouais. Il y a des mariages forcés. Ouais. Et ce que l'on ignore aussi, c'est que les Roms ont une espérance de vie de moins de 15 ans que nous. D'où est-ce que c'est de là que le mariage des filles ou que les filles ont des enfants à 14-15 ans, je pense que ça vient de là aussi. Ouais. Parce qu'il faut bien, il faut vivre. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le machisme rom est absolument insupportable. Et qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour faire en sorte que les femmes roms puissent avoir une autonomie un peu plus... L'éducation. Je pense que le grand secret, c'est l'éducation. Absolument. L'éducation. Et pour nous aussi, l'éducation. Mm-hmm. Pour nos enfants. Oui. Nos enfants doivent apprendre à ne pas mépriser, à ne pas rejeter l'autre. Mais entre autres, en Europe, c'est pas ça. Ce sont des Européens quand même. C'est pas comme si on disait qu'il faut accueillir les Afghans ou les Iraniens ou que sais-je. Non, ce sont des Européens. Oui. Et comme... comme Gunther Grass l'a dit un jour, c'est les Roms sont ce que nous sommes, ce que nous espérons être. Ils sont des Européens nés. Et c'est vrai, ce sont des Européens nés. Et malgré tous les désastres dans lesquels ils ont vécu, ils sont encore là, debout, vacillants, mais encore debout, mais avec leur culture qui disparaît de plus en plus. Et à cause d'un autre phénomène qui est ravageur, c'est le pentecôtisme. Les Roms se convertissent à cette espèce de secte absolument sotte, mais qui interdit de chanter. Ils interdisent la musique. Le seul chant, la seule musique qui est tolérée dans ce qu'ils appellent leur église, en fait ce sont des garages transformés, c'est le chant religieux. Et on perd avec ça une partie de leur culture. Et, ben, évidemment. Ouais. Toute cette beauté du chant tzigane, du violon tzigane, de l'accordéon tzigane, s'il est soumis aux préceptes uniquement religieux et où est la liberté, les enfants ne dansent plus, ne chantent plus, c'est une véritable catastrophe. Et ça, c'est ce phénomène religieux. On joue sur le... Tous ces pasteurs jouent sur le manque d'éducation des parents et ils jouent sur la crédulité de la pauvreté aussi. Ouais. Et donc il y a beaucoup d'argent qui entre en jeu dans cette histoire-là, et c'est et ça fleurit, c'est temple, cette église, je ne sais pas comment il faut appeler ça, il y en a beaucoup. Monsieur Turin, le temps est fini. Oui, on a même dépensé. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Un grand merci d'être venu nous voir. Donc, c'est à lire La Théo des fleuves. Vous êtes au salon encore... Cet après-midi. Cet après-midi, donc... Oui. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, carochez-vous, c'est passionnant. Okay. Merci, Monsieur Turin. Merci à vous. Au revoir. Sortie culturelle. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. À découvrir ce printemps au Palais Montcalm, Maison de la musique. Le 12 avril, celui qui a remporté le prix Juno de l'album blues de l'année avec Miles to Go, Colin James. Le 26 avril, la voix chaude et le jeu de piano assuré de Sarah McKenzie, jeune artiste australienne qui n'a rien à envier à Diana Krall et Blossom Derry. Et le 27 avril, le retour à Québec de Rémi Bolduc et de son ensemble avec un programme dédié au grand jazzman Thelonious Monk. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Du 4 au 14 avril, découvrez le Pop numérique, un nouvel événement grand public qui se tiendra à la Bibliothèque de Québec dans le cadre de la 4e semaine numérique. Au menu, ateliers pratiques pour les aînés ou ludiques pour la famille, conférences sur les enjeux de l'heure, projections, expositions, démonstrations de robots et plus encore. Profitez de l'événement Pop numérique pour apprendre et expérimenter. Pour connaître les détails, visitez le popnumériqueuc.ca. L'Harmonie de Charlebourg vous invite à son concert dessiné Tour de Babel, présenté en marge du festival Québec BD. Sous la direction musicale de François Dorion, une cinquantaine de musiciens et les dessinateurs Anthony Charbonneau-Grenier et Julien Dallaire-Charret réaliseront en direct une performance unique de dessin. Au programme, ouverture allemande, Tower of Babel, Charlie Chaplin, Cats et plusieurs autres. Lors de ce concert, l'Harmonie de Charlebourg dévoilera les noms des lauréats de la 4e édition de son programme de bourse pour la relève musicale des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Rendez-vous le 11 mai à 19h30 à la salle Saint-Augustin du Centre Le Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis. Billets en vente sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie. Des mots pour l'entendre. Ici Ariane Lehoux. Production Rhizome s'invite à Première Loge. Entrevues, lectures poétiques, performances, poésie sonore, actualités événementielles littéraires. Une matière en appelle une autre. Première Loge édition Rhizome met en onde la littérature vivante, donne un second souffle à des archives sonores d'ici et d'ailleurs. Visuel sonore. Chaque mercredi, entre 15h30 et 16h. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de la sortie culturelle des Bouquins d'abord au Salon du livre. On est ici devant la porte intérieure. Venez nous voir. Je suis avec Julie Collin et avec Thomas Haut-Saint-Pierre. Bienvenue à l'émission. Merci. Tu as gagné le prix de la création de littérature de la Ville de Québec, Essai, le tout premier pour Miley Cyrus et Les Malheureux du siècle, où tu prends la défense des jeunes. Mm-hmm. Et tu fais la même chose dans ton roman La chasse aux autres. En tout cas, moi, je vois quand même des liens entre les deux. Mm-hmm. La chasse aux autres, c'est un chassé-croisé de personnages. Il y a beaucoup d'amour, de désamour, la danse est fluctuante, beaucoup de réseaux sociaux. Pourquoi reprendre ce sujet-là au roman? Ben, en fait, les deux livres, je les ai écrits en même temps, en tout cas, tout le monde en parallèle, dans la même période. Ah, OK, c'est vraiment ça. Oui, oui, mais il y a des thématiques qui sont... très liées. Très liées, peut-être dues à ça, donc ça a été écrit en même temps. Mais par ailleurs, c'est sûr que aussi, j'écris selon mes fascinations, mes intérêts. Moi, cette idée-là que je vois partout, que notre époque est maudite en quelque sorte, ou qu'en tout cas, moralement, elle vaut rien... C'est une idée qui m'énerve. Donc, dans l'essai, je m'attaque directement à ça. Dans le roman, je le fais, disons, indirectement. Dans tous les cas, dans ma pratique d'écrivain, c'est un de mes objectifs de décrire les gens, la société, les humains le plus fidèlement possible en retirant le poids moral qu'on a tendance à ajouter à ce spectacle-là, entre guillemets. Donc, dans le roman, je décris des choses qui sont, selon nos critères, pas nécessairement belles. Donc, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de Oui, beaucoup d'égoïsme. Je pense que ce serait une bonne manière de le résumer, mais sans jugement par rapport à cet égoïsme-là, ce qui permet, je l'espère, au lecteur de se dire « Oui, c'est vrai, moi aussi, des fois, j'ai ce genre d'égoïsme-là, puis ça fait peut-être pas de moi une épouvantable personne. » De la même manière que dans mon essai, j'essaie de montrer, c'est vrai que notre époque a des défauts, mais toutes les époques ont des défauts. Je pense qu'il faut arrêter de se frapper dessus un peu. Et, bon, moi, j'ai pas l'âge, tu sais, de tes personnages. Et j'ai quand même retrouvé dans La chasse aux autres des préoccupations que j'ai pu avoir à 20 ans. Mm-hmm. Hein? Et ça, on parle des années 80. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ben oui, c'est un, je dirais pas une thèse du roman parce que c'est disgracieux d'écrire un roman à thèse. Non, et c'est pas un roman à thèse. Non, c'est ça. C'est un roman philosophique, mais disons, une des idées qui sous-tendent le livre, c'est que malgré toutes ces choses-là, donc ces choses-là qui n'existaient pas avant, par exemple les réseaux sociaux, là, qui est le truc le plus gros, au final, ça, la game ne change pas tant que ça. Non. Et c'est pour ça que dans mon livre, je donne beaucoup de place à des auteurs anciens qui nous disent essentiellement des choses qui sont très pertinentes pour les personnages ouais. contemporains du roman. Donc, selon moi, c'est ce que je défends aussi dans l'essai, les grandes données de la vie humaine, disons les grands paramètres de la vie humaine, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la nature humaine, ne changent pas tellement avec le temps. Ce qui change, c'est le décor. Ce qui change, c'est que notre exhibitionnisme, notre volonté de bien paraître aux yeux des autres, il y a comme scène maintenant les réseaux sociaux, mais auparavant, c'était autre chose. Donc, c'est pas vrai qu'en 2004, avec l'apparition de Facebook, soudainement, là, nos rapports entre nous ont changé. Si Facebook a aussi bien fonctionné, c'est qu'il répondait à un besoin qui était déjà là avant lui. Donc, c'est pas Facebook qui a créé la vanité, c'est la vanité qui a créé Facebook. Donc, la game, les rapports humains, finalement, ne changent pas tellement, ou sinon en superficie, selon moi. Dans une autre vie, pas si lointaine, tu as été prof de philosophie, quelque chose qui paraît beaucoup dans ce roman-là. Mmh. Justement, tu viens de le dire que tu vas chercher les auteurs. Lesquels s'imposaient dès le départ? Je vais te laisser en parler. Ben, il y en a aucun qui s'imposait a priori parce que j'allais parler de séduction ou d'amour, qui est le ouais. grand thème du livre. Donc, il y a plein d'auteurs qui parlent d'amour dont je ne parle pas. Les auteurs dont je parle se sont imposés parce qu'ils se sont imposés dans ma vie, en quelque sorte. Okay. Des auteurs qui sont importants pour moi. Évidemment, je n'ai pas parlé de tous les auteurs qui sont importants ben, pour moi. Tu parles surtout de Kierkegaard et Schopenhauer. Oui, je parle de Houellebecq aussi. Je oui, parle de Pascal. Vrai. J'en oublie même quelques-uns peut-être. Mais c'est des gens qui ont accessoirement parler de ce thème-là, mais qui, par ailleurs, moi, me rejoignent pour différentes raisons. Donc, le lien était simplement naturel d'en parler, parce que, oui, c'est un roman, dans le sens qu'il y a une histoire qui se déroule avec des personnages, mais c'est aussi une réflexion qui mène pas, comme on le disait, à une thèse, mais ouais. qui permet d'explorer la grande question qui est pourquoi est-ce qu'on est attiré par les autres? Pourquoi ouais. il y a certaines personnes qui sont attirées par d'autres? Puis pourquoi on fait toutes les choses qu'on fait dans le but d'attraper les autres. Donc, et de plaire. Et de ouais. plaire, donc, dans, ouais. dans la chasse aux autres, finalement. As-tu l'impression, toi, tes personnages, ils voyagent et ils vont même tomber en amour de quelqu'un sans le connaître? Mm-hmm. C'est pour parler d'Édouard, qui est très fasciné par Clara et il la connaît que par courriel. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, ça, c'est différent d'avant que les Québécois... sortent peut-être un peu plus de chez eux? As-tu oui. l'impression ben, que... Oui, je pense que les statistiques, disons, de ce domaine économique-là, qui est le voyage par avion, prouvent bien qu'il y a une augmentation au Québec comme ailleurs en Occident. Encore là, je ne sais pas si ça a une très grande incidence. Puis pour revenir à la question de tomber en amour avec quelqu'un qu'on connaît simplement mm-hmm. par courriel, ben, un roman épistolaire, c'est aussi vieux que le monde. Donc, que ce soit par courriel ou par lettre, je pense que c'est tout à fait possible. Le courriel, au final, n'a rien de particulier, rien de très distinctif par rapport à la correspondance. Sauf qu'on ne dit plus cher. Et... Oui, c'est ça. Il y a un certain décorum de politesse qui est tombé, effectivement. Tout ouais. à fait. Mais sinon, je pense que la chose elle-même, le rapport reste le même. Oui. Fais aussi un tour du côté de la mise en scène sur Instagram. Je pense aux hommes qui n'ont pas nécessairement le beau rôle là-dedans, des masculinistes, ouais. mm-hmm. des gars qui se mettent en avant d'une certaine manière. Oui. Peux-tu développer un peu là-dessus pourquoi ce bout-là de la vanité et pas un autre? C'était pas une volonté d'écrire là-dessus, même si c'est un sujet très fascinant. Puis d'un absolument. Point de vue romanesque, très intéressant. En fait, l'idée du livre m'est venue d'un fait divers, si on veut. Il y a un pick-up artist, donc un de ces gars-là, un masculiniste, un conférencier masculiniste qui était venu à Montréal. Puis ça avait créé tout un émoi. Donc, les gens jugeaient qu'il tenait des propos misogynes, puis qu'il fallait absolument l'empêcher de venir s'exprimer. Puis, bon, moi, j'étais curieux par rapport à ça. J'ai fait mes recherches, j'ai googlé le nom de ce gars-là, puis j'ai fini par en apprendre un peu plus, à tomber sur une vidéo où une femme interviewait ce gars-là en essayant de comprendre pourquoi il pensait ce qu'il pensait. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis mis à imaginer bien, qu'est-ce qui pourrait se passer si derrière ça, il y avait plus, si ces deux personnes-là, qui n'ont pas l'air de se connaître, au final se connaissaient. Puis là, les événements, disons, ont déboulé dans ma tête. Donc ça venait pas d'une volonté intellectuelle de parler, d'écrire un roman sur la séduction. Ça a vraiment commencé avec les personnages, les événements... eux-mêmes. Puis du moment où j'écrivais là-dessus, du moment où j'écrivais un roman sur un pick-up artist, ben, c'était, pour moi, c'était, ça venait naturellement de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on peut considérer l'autre comme une proie, que quelque chose qu'on peut effectivement picker up? Je trouve que intellectuellement, philosophiquement, comme romanesquement, c'est intéressant. Ça l'est absolument. Et, écoute, c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir dans une salle d'attente d'hôpital. Et sérieux, c'était le bon endroit parce que je ne pouvais pas lâcher. Oui, bien, c'est bon. Et, parce que c'est le genre de livre, faut s'y mettre dedans. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je lui souhaite autant de succès qu'à ton Miley Cyrus parce que j'espère aussi. Le moment, je trouve que les projecteurs sont pas mal sur ton essai. Oui. Mais ton roman vaut largement le détour. Ben, donc, merci. Chez les MEAC, on va annoncer quand est-ce que tu vas y être pour signer. Et je Parfait. Te souhaite un beau salon. Merci, ben, à vous aussi. Thomas. Merci. Donc, l'émission se poursuit. Je suis avec Lynn Boily de la YWCA Québec. Bonjour, Lynn. Bonjour, Julie. Donc, aujourd'hui, tu viens nous parler du programme Kaleidoscope. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est un projet, c'est une sélection de livres web avec 8 thématiques. Ce sont des livres jeunesse pour un monde égalitaire qui proposent des livres aux personnages non stéréotypés. Alors, c'est tout à fait dans l'air du temps. Oui, tout à fait. Comment ces livres-là ont été sélectionnés? D'abord, on a une collaboration, évidemment, avec les libraires, la librairie Pantoute, entre autres. Avec mes connaissances, moi aussi, en littérature, ça fait quand même plusieurs années que je fais de l'animation, des formations, tout ça. Fait que dans le cadre du projet, on avait certains critères, parce qu'on a 8 thématiques hein, quand même dans notre sélection. Donc, selon des mots-clés et tout ça, je suis allée chercher chez différents éditeurs qu'est-ce qu'il y avait comme belle publication. Est-ce que c'est seulement des livres québécois? Non, on a des livres de toute la francophonie, dans le fond. Et puis, c'est ça, une fois que... Pour répondre aussi à ta question oui, au niveau de la sélection, c'est qu'une fois que les livres ont été présélectionnés, on avait un comité de lecture, on avait une douzaine de personnes qui sont venues les lire, compléter les grilles d'évaluation. Fait qu'on avait des animatrices en littérature jeunesse, on avait des bibliothécaires, des enseignantes, auteurs, illustratrices. Et puis, tout ça pour faire, hein, parce qu'on parle d'une sélection. Donc, qui est rendu à peu près à 275 livres. Fait qu'on essaie d'aller chercher là, les meilleurs. Donc, à chaque année, ça grandit finalement comme sélection. Ça grandit, effectivement. Et il faut régulièrement faire une mise à jour aussi parce qu'on sait, en publication jeunesse, la durée de vie n'est pas toujours très, très grande. Adulte aussi. Oui. Ben oui, en effet, la durée de vie d'un livre. Ben c'est ça, dans le sens que si le livre est plus disponible à l'achat, ben on se doit de remplacer par d'autres. Puis on aime rester collé aussi sur qu'est-ce qui se publie de nouveau également. Puis où est-ce qu'on peut les trouver, ces livres-là? Dans le fond, est-ce qu'il y a des... Je te pose la question, mais je la connais un peu, la réponse. On peut quand même la dire pour les auditeurs, évidemment. Mettons, comme dans les librairies, je sais que des fois, il y a des endroits où est-ce que ça va être indiqué les livres qui sont dans la sélection. Oui. Oui, tout à fait. Bien, d'ailleurs, dans la région ici là, de Québec, on a plusieurs libraires qui ont reçu une étagère qui est imprimé au visuel du projet Kaléidoscope. Donc, ça permet aux libraires, par exemple, il y a la librairie Vaugeois, il y a la librairie Pantoute, la librairie Chouinard du côté de la Rive-Sud. Morancy. Morancy, exactement. Je me suis trompée en disant Vaugeois, c'était Morancy que je voulais dire. J'ai fait la tournée, puis je suis allée quand même tous les rencontrer. Ceux qui ont pas, qui n'avaient pas l'espace pour accepter cette étagère-là, bien, ils ont pris les autocollants, parce qu'il y a aussi des autocollants qui permettent d'identifier les livres qui font partie de la sélection Kaléidoscope. Donc, je pense que les gens peuvent plus facilement les trouver maintenant là, dans les librairies. Puis également, on a un partenariat avec les bibliothèques de Québec. Puis, très, très bientôt, là, je sais que c'est en traitement documentaire, ils vont même ajouter à la notice des livres de la sélection qui font partie, justement, de Kaléidoscope. Fait que, autant les parents, les enfants, les enseignants vont pouvoir facilement les trouver. Et là, on se parle dans le Salon du livre parce qu'il y a un kiosque. Oui, tout à fait. Donc, comme le projet est porté par la YWCA, qui a été financé pour 3 ans par le secrétariat La Condition féminine. Puis là, ben, comme on veut vraiment faire beaucoup rayonner le projet, on a un kiosque, justement, on est au kiosque 79. Donc, si les gens veulent venir nous voir, on a un petit concours aussi pour gagner une valeur de 100 $ de livres. Donc, il faut juste se rendre sur le Facebook Kaléidoscope, Trait d'Union YWCA Québec, puis il y a les informations du concours là-dessus. Super! Ouais. Ben, merci beaucoup, oui. Lynn Boily. Et ça fait plaisir, Julie. Merci surtout de m'offrir cette occasion. Merci. Bon salon. Merci. Bon salon. Bye. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle des bouquins d'abord au Salon du livre. Vous êtes en compagnie de Barbe Rank et je reçois Marie-Laurence Trépanier. Bonjour, Madame Trépanier. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue. J'ai lu Saint d'année, un roman qui a un pied dans le conte, dans le noir, qui frôle l'horreur pour bien des sujets. La première fois que j'entends celle-là, le côté horreur. Ben, j'entends moi, je trouve côté ouais, con, côté policier. Psychologiquement, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a tenu vraiment en haleine, cette histoire de ce presque bébé qui est récupéré par un couple, dont le monsieur part, qui va tomber en amour avec cet enfant-là, et ça va mener que Ma va quitter. Parce qu'elle, elle n'est pas capable de vivre avec cet enfant-là. Déjà, vous touchez là à des sujets, des choses qui ne se disent pas. Hein? Un peu tabou. C'est une mère qui... en tout cas, même si c'est une mère adoptive, mais quelqu'un qui dit non, j'aime pas cet enfant-là, mettons que c'est comme décrié un peu comme pas féminine. Hein? Ben, c'est une mère qui l'a été par... En fait, elle n'en voulait pas d'enfant. Elle était contente que Pa ne soit pas capable de lui en faire. Et cet enfant-là trouvé, c'est Pa qui la ramène à la maison. C'est un peu imposé à Ma. Mais surtout, cet enfant qui s'appelle Millie, c'est la figure centrale du roman, sauf que l'histoire, c'est vraiment tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Puis ce roman-là, c'est une allégorie. Donc, Millie, c'est la figure allégorique qui représente un peu une certaine femme idéale, femme-objet qu'on retrouve encore et encore depuis des décennies dans la culture populaire. Et Ma, en fait, elle retrouve quelque chose d'elle qu'elle n'aime pas et qu'elle essaie de fuir. Donc, ça vient de là, cette haine et ce rejet de Millie, qui va grandir et devenir une belle adolescente, belle jeune femme, très attirante, mais aussi un peu dangereuse. Autant pour elle-même que pour les autres. Oui, exactement. Vous avez créé tout un village qui frôle beaucoup le fantastique. Moi, par bout, ça m'a fait penser à toutes sortes d'univers québécois. vous puisez vraiment de plein main hein, là-dedans. Oui, j'ai voulu créer un monde à la qui peut nous sembler familier. Donc, ça s'appelle Saint-Dané, le village Saint... Bon, tous les villages québécois s'appellent Saint quelque chose. Saint quelque chose. Le Saint-Dané, hein? Bon, il y a le paradoxe de Saint et Dané. Mais vous avez parlé du côté conte qui est effectivement très important dans le roman. Le conte, c'est un genre qui permet de s'éloigner un peu des normes auxquelles on est habitué. Les personnages ne sont pas nécessairement obligés d'agir comme le feraient des personnes réelles. C'est un univers aussi où le temps et l'espace sont moins bien définis. C'est-à-dire, on reste toujours dans le flou. Puis ça me donnait plus de liberté dans l'écriture. C'est vrai, hein? Parce que ça pourrait jouer en 76 aujourd'hui. Dans le fond, il n'y a aucun référent culturel qui nous dit que les réseaux sociaux... Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Je crois qu'il y avait l'électricité et le téléphone cellulaire qui donne des indices que ça pourrait se passer aujourd'hui, mais effectivement, c'est assez, ça reste anecdotique dans l'histoire. Oui. Pourquoi cette forme-là? Pour aborder le sujet. Il me semble parce que c'est quand même un sujet qui est très prisé aussi dans le roman québécois de parler de cette féminité-là, mais aussi ce que ça fait avec les hommes. Parce que ça il y a quand même. Parler du regard qu'on porte sur le corps féminin, autant les hommes que les femmes elles-mêmes. Ouais. En fait, je parlais de l'espace et du temps qui est indéfini. Oui, il y a le conte, mais ça rappelle un petit peu aussi le temps mythique. Ouais. Donc, ça ouvre à une autre sorte de temporalité qui, moi, me permettait de toucher à des sujets comme ça qui, oui, sont d'actualité, mais qui sont aussi des sujets vraiment intemporels. Tu sais, qui ont le désir et la violence, ça fait partie de la littérature depuis la nuit des temps, j'oserais dire. J'aimerais qu'on parle un peu de maman qui refuse d'une certaine manière une certaine féminité parce que on comprend très vite qu'elle a été abusée, etc., mais qui va quand même, dans cette histoire-là, s'en aller vers quelque chose que moi j'ai perçu assez positif. Parce qu'elle va s'affranchir d'une certaine manière de tout ça. Ou du moins, elle essaie. Oui. Elle essaie. Et c'est déjà un accomplissement de l'essayer. Oui. Il y a une enquête policière qui se déroule dans Saint-Dané. Donc, je mélange le conte et le récit policier. Mais moi, ce que j'aime particulièrement de l'enquête, c'est la quête, la recherche d'un sens, la construction d'une vérité. On essaie de reconstruire ce qui s'est passé. Puis chaque personnage, un peu à sa façon, essaie de faire ça. Et c'est le cas de Ma, qui essaie de comprendre d'où vient cette horreur que lui inspire Milly. Pourquoi elle a fui son village? Bon, vous avez parlé de l'abus. Oui, c'est une donnée essentielle là, de son identité de personnage. Il y a aussi le regard qu'elle a sur Pa, hein? Parce qu'il y a comme eu ce couple qui a existé, qui n'a plus existé, et là, il y a comme un regard de pitié. C'est un homme qui est resté un peu dans l'enfance. C'est un homme hyper dépendant, qui a toujours besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Il y a sa voisine, la vieille Jo, qui fait ce qu'elle peut. Tellement dépendant qu'il va tomber dans le piège d'une secte. Et Ma avait probablement choisi de vivre avec cet homme-là parce qu'elle savait qu'il ne pouvait rien lui faire de ce que d'autres lui avaient fait. Oui. Je le dirais comme Mais ça. Moi, je pensais plus à Pa par rapport à Milly. Parce que là, il réagit comme n'importe quel homme, finalement... Parce que Milly, c'est un objet de beauté, c'est un objet de lumière, un objet d'attraction, en fait, je pourrais dire, qui attire tous les hommes et toutes les femmes aussi, d'une certaine façon, parce que les hommes désirent la posséder, se l'approprier, alors que les femmes ont envie de l'incarner. Puis ça, c'est un peu... c'est comme ça que je vois l'image de la femme-objet. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, que finalement, oui, tout le livre tourne autour de Milly, mais c'est Milly qu'on connaît le moins. Oui. Là-dedans. Moi, je suis sortie d'être là et je me suis dit, mais c'est qui Milly? Parce que c'est un personnage qui n'a pas le même statut que les autres. Elle n'est pas au même niveau. Les autres personnages, je raconte leur histoire. C'est eux qui font évoluer l'action. Milly, elle a un statut à part. C'est la figure allégorique qui m'a inspiré l'histoire. OK. Mm. Ça fait que vous assumez que qu'elle est elle a comme pas vraiment de personnalité, parce que ça aurait pu être intéressant aussi là, de lui en donner. Oui, mais l'image de la femme objet, la femme des magazines, la femme elle en a jamais de la été. Mode, elle n'a pas de personnalité. Oui. Donc, Millie non plus. Ah, mais elle avait un si joli nom. Moi, je trouvais ça génial. Millie sans chagrin. Ouais. C'était tellement prometteur. Fait que moi, j'avoue, j'étais comme... J'avais vous êtes restée sur votre train un j'étais peu. J'étais comme, ben, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, roman fascinant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une approche intéressante qui nous changeait du même sujet et ça reste quand même un sujet d'une très grande actualité. Oui. Merci Marie-Laurence Trépanier d'être passée à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Toujours à l'écoute de la sortie culturelle des bouquins d'abord au Salon du Livre. Et là, Julie, on est venu tôt ce matin pour justement nous imprégner un peu du salon et j'avoue que je suis rentrée et j'ai fait « Ah, wow! » Il y a quand même un gros changement de l'installation des airs. C'est beaucoup plus aéré. L'année passée, il y avait quand même une amélioration qui avait été effectuée, mais cette année, c'est beaucoup plus aéré. Il me semble qu'on respire bien. Il n'y a pas à dire, il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Oui. C'est les groupes scolaires, c'est plein. Là. Mais on réussit à circuler. Oui. On voit bien à travers les kiosques. C'est... Je trouve que c'est assez moderne même. Je trouvais qu'il y a des kiosques qui avaient l'air c'est plus moderne que les autres années. Oui, et ça a l'air... Bon, moi, je quand même, parce que je me suis dit, coudonc, tout le monde s'est passé le mot pour changer le look de leur stand. Fait que je me suis trouvé quelqu'un pour jaser, pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Pour apprendre que les changements dont on a d'ailleurs parlé à l'émission des diffuseurs dans le domaine, Interforum qui a passé chez ADP et tout ça, les gens qui nous écoutent savent pas trop ce que ça veut dire, mais ça fait qu'il y a vraiment des diffuseurs qui sont mis ensemble et en une réorganisation, qui unifie un peu le look. Effectivement, moi aussi, je trouve que c'est vraiment... C'est pas qu'on traverse plus vite le salon, ça reste aussi plein, mais on a l'impression qu'on pourrait le faire. Oui, on a l'impression déjà... qu'on respire plus. Oui, absolument. À suivre en fin de semaine que ça va avoir l'air, je ne sais pas. Là, on est mercredi. Hein? On est mercredi, il ne faut pas espérer de miracle, mais honnêtement, c'est une très belle amélioration. Oui, non, c'est... Fait que, donc, passez au salon. Un autre appel, passez au salon, venez voir ça par vous-même. Fait une petite pause de publicité et on vous revient avec Pascal Roux, traducteur. Sortie culturelle. Vous aimez les romans historiques alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invite au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale, suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android, réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale, participer à des ateliers de francisation, le cœur à lire, pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Le 11 avril, 19h, ne ratez pas la prochaine soirée Pitchakucha Québec, présentée au Musée de la Civilisation à l'occasion de la Semaine numérique de Québec. 12 personnalités de tous les univers créatifs relèveront le défi de présenter leur travail en 6 minutes 40 secondes à l'aide de 20 images qui, elles, resteront à l'écran 20 secondes chacune. Au programme, Marc-Antoine Cafaneuf, Philippe Bourque de Poulet Neige, David Massicotte de Noctura, Colin Nies du Musée de la Civilisation, le metteur en scène Émile Beauchemin et plus encore. Le 11 avril, 19h, venez faire le plein de créativité et pas d'excuses, c'est gratuit. Pour plus d'informations, suivez Pitchakucha Québec sur Facebook. Choisir Groupe Conseil DDE, c'est miser sur l'expertise d'Éric Lamirande et de Francine Barbeau, ainsi que leur équipe de collaborateurs passionnés et professionnels. Nous avons un seul but, vous aider à avancer pour vous rendre plus autonome avec nos services de consultation, d'accompagnement et de formation dans les domaines suivants. Gestion stratégique et diagnostic, virage numérique et outils web, marketing web et réseaux sociaux. C'est parfait pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. On est là pour vous et on vous comprend. Contactez-nous au 88 454 1019 ou au www.groupedde.com pour en apprendre davantage. Sortie culturelle. Les Bouquins d'abord vous présentent Sortie culturelle au Salon international du livre de Québec. On poursuit l'émission Les Bouquins d'abord en direct du Salon du livre de Québec. Et je suis accompagnée de Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Tu es traducteur. Oui. Puis moi, je voulais recevoir quelqu'un qui va nous parler de traduction un peu, parce que c'est quelque chose qu'on parle un peu moins peut-être en Salon du livre. On envoie des traductions, mais on pense pas nécessairement à ça. On pense aux auteurs qui sont là tout simplement. Toi, tu représentes finalement un livre d'un auteur qui n'est pas là. Effectivement, il n'est pas là à ce salon-ci. Il était au Salon du livre de Montréal. Mais c'est vrai que traducteur, c'est un peu un métier de l'ombre. On l'oublie. En fait, idéalement, il faut qu'on oublie le traducteur. Idéalement, il ne faut pas qu'on ait l'impression, quand on lit un livre, en fait, qu'il y a ça a été une traduction. Il faut que ça semble naturel. Exactement. C'est ce que j'en comprends. Parfois, je reçois des courriels de lecteurs qui me connaissent et qui me font un très beau compliment. Et ils me disent, après 15 pages, j'avais oublié que je lisais une traduction. Ça, c'est vraiment un très, très beau compliment. Qu'est-ce qui est le signe d'une bonne traduction? En fait, comment on peut repérer ça? Parce que on a tous déjà été déçus par une traduction. Ça nous est tous déjà arrivé de lire une traduction puis de se dire, ouf. Ben, bon, déjà, il y a le côté oublier qu'on lit une traduction. C'est difficile à expliquer parce que ça dépend évidemment du contexte. Par exemple, le roman de Wayne Arthurson, Les traîtres du camp 133, se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour essayer de recréer l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale, bon, évidemment, il y a tous les détails que l'auteur a mis dans le livre, toute la recherche historique qu'il a faite. Celui-ci, par exemple, ça se passe au Canada, dans un camp de prisonniers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une réalité méconnue. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas fait toutes ces recherches. Je les ai faites quand même parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour moi, je suis allé faire beaucoup de recherches pour apprendre, pour vérifier, pour me situer, par exemple. Je suis allé chercher à la bibliothèque de l'Université Laval des ouvrages qui parlaient de ces camps-là, et il y avait des photos. Donc, je me situais dans l'espace. Quand l'auteur décrivait quelque chose, je me disais, OK, est-ce que je l'ai bien compris? Là, j'allais voir les photos. OK, je pense que j'ai bien compris. Fait qu'une bonne traduction, c'est aussi respecter ce que l'auteur a voulu faire, ne pas dénaturer la traduction. Évidemment, pour le lecteur qui n'a pas lu la version originale, c'est dur de savoir si on l'a dénaturé ou pas. Mais c'est un tout. La traduction, évidemment, on dit souvent que le traducteur est un traître. Je ne sais plus comment le dire en italien. Ouais, là, non, moi non plus, ça ne me revient pas. Traductore, quelque chose, là, ouais. Qui veut dire traducteur traître. Donc, on trahit forcément le texte, mais on essaie de rester le plus proche du texte et de ce que l'auteur a fait. En tant que traducteur, je ne considère pas que l'auteur ne sait pas ce qu'il fait, au contraire. Je considère que l'auteur sait ce qu'il fait. Moi, je fais que vérifier ensuite ce qui a été fait. Pour bien traduire, finalement, pour avoir les bons termes. Pour avoir les bons termes. Surtout que là, dans cet ouvrage-là, Les traîtres du camp 133, il fallait respecter, par exemple, la hiérarchie allemande. Donc, il fallait que je décide qui vous voyez qui et qui tutoyait qui. Si ça avait été le livre en allemand, je l'aurais su tout de suite, sans avoir besoin de décider. Mais en anglais, c'est you, que ce soit tu, que ce soit vous. Donc il fallait que j'essaie de trouver qui dans la hiérarchie tutoyait qui vous voyait qui vous faisait quoi, comment, parce que la hiérarchie dans l'armée allemande était très très très stricte. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on laissait les Allemands gérer leur propre camp, ils étaient très disciplinés. Les Canadiens n'avaient rien à faire là-dedans, ils avaient juste à regarder, il n'y a pas d'évasion, ils sont pas en train de s'entretuer, il y a une police allemande à l'intérieur, ils géraient ça là. C'est surprenant. J'aimerais... Oui, vas-y. J'ai une petite question par rapport à ça, parce que moi, j'ai connu des gens qui ont été dans ces camps-là. Et moi, ce qui me manquait un peu dans le roman, et qui est un fait réel aussi, c'est que les structures nazies restaient très bien en place aussi, et il y avait des gens qu'on continuait à indoctriner dans ces places-là. Donc, la manière des Anglais de ne pas s'en mêler, contrairement aux Américains qui s'en mêlaient, tout en gardant les structures hiérarchiques militaires, mais qui s'en mêlaient par ailleurs de dénazifier ces gens-là, ça, c'était comme un aspect que je trouvais pas que j'aurais... Tu sais, au moins avoir une réflexion là-dessus, pour quelles raisons les Anglais n'ont pas fait ça, parce qu'il faut comprendre que c'était pas des camps canadiens, mais des camps anglais en territoire canadien. En fait, c'est quand même un sous-texte dans le roman, parce qu'on voit à quel point les autres, tous les corps d'armée craignent les nazis, ils craignent les SS, et il y a une hiérarchie même entre les différents corps d'armée qui ne se parlent pas, qui craignent les SS. Je veux dire, les SS sont quand même ceux qui détiennent l'administration à l'intérieur du camp. Donc, il y a comme le Neumann dans le roman marche sur des œufs tout le temps, parce qu'il est obligé de composer avec tout ça. Je pense que l'auteur n'a pas voulu nécessairement aller trop dans le politique pour se concentrer sur... Je ne vais pas poser la question, mais pour se concentrer sur l'intrigue policière tout de même, tout en utilisant l'historique en arrière-fond. Moi, j'aurais aimé... Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un deuxième tome? Parce que j'aimerais ça qu'il touche à un moment donné à ça. Parce que ça, c'est du matériel là, pour exploser des choses. Hein? J'ai cru comprendre, entre les branches, qu'il pourrait y avoir peut-être un deuxième roman mettant en scène Neumann. Mais c'est un oui-dire. Je ne l'ai pas su de l'auteur lui-même. Fait que c'est, disons, peut-être. Ouais, ça, peut-être. Moi aussi, en tout cas, j'aimerais bien. Oui, hein? Oui. Oui. Parce que moi, je trouvais que c'est un univers très, très riche. Oui. Et où on comprend une réalité canadienne que personne ne connaît. On connaît des camps, des Allemands, des Russes, des Japonais qui ont été enfermés pendant la guerre, mais c'était des habitants du Canada. Et là, on amène des gens ici pour le faire. J'ai appris énormément de choses en lisant ce roman. Oui, hein? Oui. Et pourtant, la guerre, je connais pas mal de choses de guerre. Ma grand-mère me racontait tellement d'histoires de guerre. D'ailleurs, pour certains personnages, je me suis inspirée de la façon dont ma grand-mère parlait et parle encore, avec certaines tournures, en me disant, certains personnages qui sont plus âgés là-dedans aussi, j'imaginais ma grand-mère en train de parler et me dire, est-ce qu'elle dirait ça de cette façon-là, avec tel vocabulaire? Oui, c'est parce bon ça. Elle avait 20 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc j'essayais de m'inspirer un petit peu de sa façon de parler. J'ai une question pour toi aussi. J'ai remarqué qu'il y a certains termes qui n'ont pas été traduits. Oui. Pourquoi? Alors, volontairement, par exemple, le terme « veteran guards », qui est utilisé pour parler des Canadiens qui sont utilisés pour faire la sécurité extérieure du camp, sont des anciens soldats de l'armée canadienne trop vieux pour aller faire la guerre en Europe. C'est un terme que j'ai pas traduit parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Comme par exemple, je ne traduirais pas Waffen-SS, j'ai pas traduit Deutschland-Lied parce que c'est le nom du chant patriotique allemand. Donc il y a des choses que je ne traduis pas parce que ça les dénaturerait complètement. Je préfère les expliquer dans une note de bas de page, ce qui rappelle à ce moment-là que c'est une traduction. Mais ça aurait pu être dans la version originale aussi parce que ce ne sont pas des faits connus nécessairement. Donc, c'est ce que j'appelle ne pas dénaturer le roman, c'est qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas, comme je ne traduirais pas des mots de l'arabe, je ne traduirais pas des mots autochtones s'il y en avait eu, je les expliquerais pour les garder dans le contexte. Parfait, bien, merci beaucoup Pascal Rowe. Donc le livre Les traits du camp 133, on peut se le procurer au kiosque à lire 376, et toi on peut te voir samedi si je ne me trompe pas? Je vais être samedi au lancement du nouveau numéro de Solaris sur le kiosque 376 de 6h à 7h samedi. Parfait. Ben merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci. toujours à l'écoute des sorties culturelles, des bouquins d'abord au Salon du Livre. De Mathias Carpula. Bonjour Mathias, bienvenue à l'émission. Nouvel auteur, en tout cas un premier livre, tu as déjà publié, mais un livre qu'à toi, nouvelle maison d'édition, hashtag, que je ne connaissais pas non plus. Ça s'appelle « Préparation au combat ». Et tu parles d'un sujet que tu connais, que je connais, des déracinés, de partir quelque part d'où on vient pas et se reconstruire. J'imagine que c'est vraiment inspiré de ta propre vie. Est-ce que tu racontes là, c'est ancré dans l'amitié? Mais les huit nouvelles sont des fictions. Dans deux, je me mets en scène, mais c'est un personnage. Mais c'était important pour moi de dire qu'est-ce que j'aurais fait dans ces situations comme personnage, comme auteur. Mais sinon, ça reste des fictions, mais c'est basé au fait que je suis passé par deux immigrations. Avant vers la France, de l'Italie et puis au-delà de l'océan jusqu'au Québec. Et donc, je parle des communautés des déracinés, ou en tout cas qui essaient de se construire. C'est plus important le passé, ça reste important, mais ce qui est important, c'est vraiment le présent. Et même si la plupart des personnages sont italiens, les communautés restent des communautés d'immigrés. C'est plusieurs étrangers parce qu'on se rencontre plus facilement entre étrangers quand on arrive dans un autre pays. C'est vrai. Depuis quand est-ce que tu écris en français? Ça fait depuis 2001, depuis que je suis arrivé en France, mais vraiment que j'ai senti le français pour écrire de la fiction, c'est depuis 2010. Je suis passé entre 2005 et 2010 à une période de crise parce que je ne maîtrisais plus ni l'italien ni le français. Et puis maintenant, ma langue dans laquelle je me trouve plus à mon aise, c'est le français. Ah, c'est carrément ça? Tu te sens plus à l'aise? Je sais, moi aussi, je me sens, après 28 ans, plus à l'aise en français qu'en allemand. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus naturel en français. Je ne sais pas si c'est comme c'est ça la pour même toi. Chose que pour toi. C'est plus naturel pour moi le français. Je me considère auteur francophone et l'italien, je peux l'utiliser, mais il faut que je passe peut-être toujours du français. Il faudrait, par exemple, des nouvelles, que j'en fasse une traduction. Mais ça ne me vient plus instinctivement d'écrire en italien ou de communiquer en italien. Peut-être que je l'utilise tellement peu. Donc le fait que... qu'il y a une communauté d'expatriés, dont plusieurs Italiens, et on sait qu'il y en a des Italiens ici à Québec aussi, ça ne fait pas en sorte que tu restes dans un genre de ghetto? Non, ça non. Je pense qu'au Québec, comme ailleurs, on sent toujours, pour des raisons même d'accent, même quand on n'est pas étranger visible, quand on est des étrangers politiquement corrects, comme je le suis moi, on sent toujours que les premières questions, c'est plus sur sur la différence, plus que sur la reconnaissance de ce qu'on est. Mais je ne vis pas dans un ghetto aussi parce que parce que même s'il y a beaucoup d'Italiens, ma conjointe est française et puis quand on est arrivé ici, on a intégré des lieux de travail où il y avait des immigrés, où il y avait aussi des Québécois depuis plusieurs générations. Donc non, je vis les deux, je ne vis pas dans un ghetto. Mais en effet, même si je parle des communautés déracinées, ça reste toujours qu'il peut y avoir des personnes, même qui ont vécu toute leur vie dans une ville comme ici à Québec, mais qu'un certain ou l'autre, ils ont besoin de passer par des communautés d'étrangers parce qu'ils ne sont pas reconnus par la communauté dans laquelle ils habitent. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, les Québécois qui s'intègrent dans des groupes de déracinés parce qu'eux sont déracinés ici? Oui, c'est un peu la question, c'est quelque chose qui ça m'intéresse beaucoup, la relation de la communauté. On peut passer d'une communauté à l'autre, même si on est né dans un pays et on vit pour toujours dans ce pays, mais on se trouvera toujours dans des communautés de travail ou des communautés plus de plaisir, d'amis, à un moment ou à l'autre, à être vu comme différent. Et donc, moi, je le traite à travers les immigrés, mais c'est important pour moi de revendiquer que tout le monde peut se sentir à un moment ou à l'autre étranger. Parce qu'on est un peu tous singuliers et différents. Absolument. Tu as écrit un recueil de nouvelles, mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, je l'ai lu d'une traite et j'avais l'impression de lire quand même un roman. Je sais que c'est une tendance actuelle aussi. Est-ce que c'était voulu ou ça a donné comme ça? Non, c'est évolué. J'aime beaucoup la nouvelle. Là, je travaille sur un roman dans le cadre de mes études en doctorat sur les mêmes thématiques. Donc là, on suivra des communautés, des racinés sur une seule histoire longue. Mais là, c'est évolué que ce soit des nouvelles. Mais le fait, c'est qu'il y a qui se ressemble un peu les personnages, parce que c'est plusieurs nouvelles sont chorales et donc on suit un groupe de beaucoup de d'amis qui dans une situation, et donc ces situations peuvent se ressembler parce que sont des dynamiques similaires, mais on reste quand même des nouvelles. J'ai voulu de l'écrire comme des nouvelles. Je suis très passionné de la nouvelle comme pour le roman, les deux. Non, c'est bien qu'il y a des gens qui écrivent encore de la nouvelle. Ça, là, je suis tout à fait avec toi. Tantôt, tu as dit que les expatriés, on est plus dans le présent, mais on est aussi plus dans le futur, non? Oui. On se projette beaucoup plus au lieu de puiser dans notre passé, non? Parce que ça aussi, je l'ai senti dans ton recueil, qu'il y a toujours quelque chose devant. Oui. Le futur, si on veut le réaliser, il faut vivre le présent. C'est pour ça que pour moi, c'est peut-être, j'ai traduit ce que tu dis aussi sur le futur, mais il faut le vivre au jour le jour, il faut être actif vers le futur, oui. Mais le passé, ça reste quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, mais on ne doit pas se faire manger par son propre passé, par la nostalgie, parce que sinon, à mon avis, on ne continue pas. On n'arrive pas. On n'arrive pas, non. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord. Écoute, on a le même vécu, hein. Oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai l'impression qu'il fallait laisser derrière. Et se dire ça, c'est clos. Et t'en parles aussi dans ton recueil des gens qui, justement, ne laissent pas derrière. Parce qu'il y a des personnages qui vont toujours partir en vacances en Italie ou même retourner en Italie. Fait que tu parles aussi de ce clivage-là. Oui. Mais le point de départ, c'est peut-être quand je suis parti de l'Italie, j'avais 20 ans, et j'ai laissé tout un groupe d'amis, qui était vraiment très, très important pour moi, ce groupe d'amis. Puis après, j'ai continué à trouver d'autres personnes qui sont devenues importantes, mais ce premier groupe d'amis, ça a été vraiment quelqu'un une entité très importante. Et ça reste que dans les nouvelles, je lui rends hommage à ce groupe d'amis. Et je sens plus le manque. Je suis passé à une autre réalité. Je suis sûr que si je revoyais ces personnes, on ne se comprendrait plus. C'était vraiment très important le fait de l'amitié, peut-être. Donc, je donne hommage dans les nouvelles. Donc, je parle quand même de mon passé. Mais je l'en parle avec l'expérience d'aujourd'hui, d'être passé par les deux migrations et donc d'avoir quitté différents lieux dans lesquels on se retrouve à se reconstruire, on repasse par des moments de solitude, que ça peut durer longtemps, et puis après on se reconstruit une nouvelle vie et on doit croire à cette vie. Merci Mathias Carpoula, ça m'a fait vraiment plaisir, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Un grand merci d'être passé. Merci beaucoup, merci à vous, merci. vous êtes toujours à l'émission Les bouquins d'abord, diffusés en direct au Salon du livre. Sortie culturelle, c'est oui, ça, hein? Sortie culturelle, plein de jeunes devant nous. Donc, on termine l'émission avec des suggestions d'activités à faire. On en a parlé un peu en début d'émission tantôt. L'activité informelle, là, c'est de venir bouquiner au salon aujourd'hui. À partir de 15h, c'est vraiment tranquille, jusqu'à 21h. Même chose demain. Venez prendre vos repères, venez vous promener, venez voir où est-ce que vont être les auteurs que vous voulez voir. Puis il y a des auteurs qui sont déjà en séance de signature. Oui. Donc, il faut en profiter. Vraiment, si vous voulez prendre le temps de découvrir des livres, c'est maintenant que ça se passe. Là. C'est pas samedi, dimanche. Non, c'est ça. Ça vous tentera pas parmi la foule. Là. Tout le monde a la même idée que vous. Soyez wise. Venez le vendredi. Le mercredi. Ben, le vendredi aussi. Mais le mercredi ou jeudi. Toute la semaine, c'est ça. Ça se fait bien. À partir de 3h à 9h, c'est parfait. C'est parfait. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. C'est mon truc de pro. Donc, ça, c'est la première chose. Sinon, tantôt, Barbel, t'as reçu Jean-Marc Turine. Ben, à 15h, on va pouvoir l'entendre pendant une demi-heure. C'est, les gens n'ont pas eu assez. Puis pour entendre des choses différentes aussi. Et j'avais du mal à le couper. Ben hein, oui, c'est vraiment très intéressant. Palpitant ce qu'il y avait à dire sur les Tsigans d'Europe et leur combat de survie, là, carrément. Oui. Moi, j'ai vraiment envie de lire son livre maintenant. Je te le prête. Merci. Je viens de me rajouter un autre livre. Donc, à 15h, à la scène Espace Radio-Canada, ça va être possible de l'entendre pendant une demi-heure, donc profitez-en. Sinon, il y a Yasmina Kadra, qui est le président d'honneur cette année, qui va être en entrevue, lui, de son côté, à la scène des rendez-vous littéraires à 16h. Et à 16h30, il va signer au kiosque 270. Moi, j'aurais tendance à vous dire que si vous voulez le rencontrer, c'est pas mal le bon moment. Je ne vous dis pas que vous ne ferez pas de file. Là. Ça se pourrait qu'il y ait une file, mais la file, elle va être pas mal moins grande que samedi et dimanche. Oui. Donc, profitez-en si vous voulez le voir. C'est super intéressant. Sinon, une autre activité que moi, je vais aller découvrir. Je suis curieuse parce que j'ai aucune idée, en fait, c'est quoi exactement, mais je vais pouvoir vous en reparler. C'est l'activité « Les rencontres, ça date pas d'hier » avec Catherine Lachaussée à l'Espace Radio-Canada. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à ça, mais je suis curieuse. C'est une nouvelle activité. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans aucun autre salon. C'est un nouveau projet de Catherine Lachaussée aussi. Donc, je vais aller voir ça. Et il y a d'autres présentations de cette activité-là. Donc, demain, je pourrai vous en parler. Puis, on va savoir qu'est-ce qu'il en est pour la suite. Mais moi, ce soir, 19h, je serai là. Et sinon, une activité vraiment à ne pas manquer, ne serait-ce qu'au moins une fois pendant le salon, c'est l'activité de jazz et poésie. OK, oui. Québec la Muse, à la Maison de la littérature. Ça, c'est quatrième, cinquième année. Ça fait c'est devenu une institution. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est quatre soirs différents. C'est tout le temps le même trio jazz, mais avec des poètes différents. Et qu'est-ce qui est chouette là-dedans? Au-delà du fait que c'est à la Maison de la littérature, que c'est la poésie, du jazz, que c'est gratuit en plus, service de bord, c'est qu'on... Ça nous permet de découvrir des gens, des poètes qu'on ne connaît pas nécessairement, ou des fois de les entendre réciter leurs poèmes. Et ça nous donne un autre... ça donne une autre couleur à leur texte, finalement. Ça nous permet de vraiment initier. C'est toujours des super belles soirées. Comme c'est à 21h30, ça finit peut-être vers 23h30. C'est sûr que c'est pas facile quand on se lève tôt le lendemain matin, mais moi, personnellement, qui est au salon du matin au soir, j'y vais tout le temps au moins une fois par salon. Donc, moi, je vais être là demain, pas ce soir, mais je vais être là demain pour aller voir ça. Donc, oui, à ne pas manquer, une super belle activité. Sinon, est-ce qu'on parle déjà un peu de qui on rencontre demain? Ben oui, ça serait une bonne idée. Une bonne idée, hein, parce que comme ça, vous savez déjà que là, vous avez un rendez-vous pour les quatre prochains jours. Donc, demain, on va recevoir Judy Quinn pour L'Homme canon, qui est un roman. On la connaît plus comme poète. Nadia Lagdary-King, que je vais recevoir. Je ne connais pas du tout. Oui, bien, tu vas la découvrir demain. Maison. Mais dans le fond, elle est auteure, elle fait plein de choses, mais demain, je vais la recevoir en tant qu'auteure et en tant aussi qu'éditrice pour un concept de livre chez Goélette qui s'appelle Histoire de. Donc, Histoire de filles, Histoire de gars. On va discuter de ça avec elle. Très intéressant. Moi, je vais recevoir Christiane Vadnais et vraiment, j'ai hâte. Depuis que j'ai lu Faune, je m'étais dit, il faut qu'on jase de ça. Elle vient de gagner le prix de la création littéraire de la Ville de Québec pour ce très beau premier roman. Moi, je trouve ça toujours le fun quand c'est surtout les premiers qui sont reconnus comme ça. Oui. Isabelle Lafortune aussi, après, pour parler de Terminal Grand Nord. J'étais encore... tordu un peu le bras pour lire du polar. Tu vas finir une bonne lectrice de polar, moi. Peut-être. Mais honnêtement, je n'ai pas tout à fait terminé et j'adore ça. Et j'ai hâte quand même que le salon soit terminé aujourd'hui pour retourner chez moi et le poursuivre. Donc, demain, en entrevue avec elle, je vais aussi avoir Marie-Renée Lavoie pour Les chers meurent aussi, pour le dernier Camelot. Donc, oui, c'est que ça fait partie de mes entrevues demain. Toi, tu vas recevoir aussi Nadia Gosselin? Moi, je vais recevoir Nadia Gosselin. De temps en temps, ça prend une petite mise à jour. Elle tient le blog Pigeon Décoiffé. Et elle est vraiment une aidante naturelle aux auteurs, je dirais. Hein? Elle les aide à démarrer leurs projets. Elle tient elle vraiment accompagne. Des rencontres. Elle les accompagne dans toutes sortes d'affaires. Et demain, on va recevoir aussi les stagiaires de Vanessa Bell, notre chroniqueuse poésie. Elle a accompagné des stagiaires de l'Université Laval. Et eux, ils vont venir livrer des petites chroniques sur leur lecture. Fait que Vanessa Berger va parler de Montréal Insomniaque de Francis Juteau. Et il y en a d'autres lectures qui vont être proposées. Un grand merci aujourd'hui à Philippe Sauvageau, Jean-Marc Turine, Thomas Haut-Saint-Pierre et compagnie. Toutes les autres. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Bon après-midi à CKRL. Les Boucanes à bord vous ont présenté Sorties culturelles au Salon international du Livre de Québec. Ici Raymond Poirier. Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, la vie en BD se met en mode sortie culturelle en direct du Festival Québec BD. Au menu, des rencontres avec plusieurs des invités de marque de l'événement. Pierre Allary, Sylvie Rancourt, Émilie Plateau, Abdel de Bruxelles, Luke McGarry et plus. Rendez-vous dès 13h30 les 13 et 14 avril en direct du Centre des congrès de Québec et sur CKRL 89.1.